Il a été victime du premier coup d'État militaire en Afrique noire, moins de 3 ans après avoir obtenu l'indépendance de son pays, le Togo. Il s'appelait Sylvanus Olympio. Et il a sans doute été tué par l'actuel chef d'État togolais, le président Eyadema. Je n'invente rien puisque c'est Eyadema lui-même qui a reconnu ce meurtre commis à Lomé au petit matin le 13 janvier 1963, avant plus tard de changer de version. À de nombreuses reprises, M. X m'a parlé de l'Afrique. Ce n'est nullement un hasard. Nos services secrets ont été omniprésents dans nos anciennes colonies africaines et ils y ont souvent fait et défait les gouvernements de pays pourtant officiellement souverains. Malgré l'indépendance, l'Afrique francophone demeure en effet le précaré de notre pays. Voici par exemple ce que je lis dans le livre de Roger Faligot et Pascal Krop, La piscine, un ouvrage consacré à nos services secrets. Indépendance, soit, à condition qu'elle ne vienne pas desservir les intérêts de Paris. La surveillance de l'Afrique est d'autant plus aisée que les jeunes nations sont fort vulnérables. Elles ne possèdent nul outil militaire et font appel à la France pour constituer armée. Des accords bilatéraux ou multilatéraux sont signés selon les cas. Ce sont souvent d'anciens officiers noirs de l'armée française qui occupent les postes clés des nouvelles unités nationales. À travers l'assistance militaire technique, AMT, dans le triangle géostratégique Dakar, Pointe-Noire, Fort-Lamy, la France encadre ses anciennes possessions. Le maître d'œuvre de cette politique, qui supervisait également nos services spéciaux, c'est-à-dire le SDEC, c'était le secrétaire aux affaires africaines et malgaches, Jacques Foccart. Homme de l'ombre, Foccart avait le privilège de rencontrer chaque soir le général de Gaulle. C'est dire l'importance que le chef de l'État attachait à notre politique africaine. Foccart agissait donc sous la houlette du général qui considérait que les liens historiques et économiques et même affectifs qui nous liaient à l'Afrique autorisait notre action directe ou indirecte dans ces pays nouvellement indépendants. Alors, le meurtre de Sylvanus Olympio a-t-il été téléguidé depuis Paris ? France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Sylvanus Olympio, c'était quelqu'un, une personnalité peu ordinaire. On dirait que vous avez admiré cet homme. Et pourquoi pas ? Pour le minuscule Togo, c'était incontestablement une chance d'avoir un tel homme à la tête de l'État. Mmh. Attention, je ne dis pas qu'il était parfait, mais enfin, il avait la carrure et l'expérience nécessaires pour faire de son pays un havre de paix et de prospérité. Vous avez dit un minuscule pays. Oui, oui, le Togo est tout en longueur, il est 10 fois plus petit que la France. Et à l'époque, au début des années 60, il ne comptait qu'un peu plus d'un million d'habitants. Mmh. J'ajoute que ses frontières avaient été dessinées par le colonisateur de façon parfaitement artificielle. Alors, ne respectons pas la localisation des ethnies. Bien évidemment. Par exemple, les Ewe appartenaient à l'une des principales ethnies. Se sont retrouvés soit au Ghana, soit au Togo. Mmh. Et c'était créé d'emblée un facteur de trouble, puisque cette division nourrira une aspiration légitime à la réunification, aspiration encouragé par le voisin ghanéen, hein, beaucoup plus grand et beaucoup plus peuplé. Enfin, nous en parlerons plus tard. Le Ghana, bon, qui aurait voulu absorber le petit Togo, c'est d'autant ça que ouais. Ces deux pays ont eu une histoire commune. Enfin, je vous raconte brièvement. Hein, le Togo est d'abord colonisé par les Allemands. Quand ? À la fin du 19e siècle. Hein. Ah, c'est tard. Enfin, peu de jours après la déclaration de guerre de 1914, Français et Anglais conquièrent le pays et expulsent les Allemands. Après la guerre, la Société des Nations, puis l'ONU, place le Togo sous mandat français et britannique. Le Togo français devient une entité à part entière, tandis que le Togo britannique est annexé à la Gold Coast, colonie anglaise qui deviendra indépendante sous le nom de Ghana. Mmh. Il existe donc des Togolais francophones et des Togolais anglophones. Exactement. Mmh. Et d'ailleurs, Olympio, par exemple, a fait ses études supérieures en Angleterre. Mais il avait d'abord été à l'école allemande. Et ensuite, il vivra dans un pays francophone. Oui, dans la partie du Togo sous mandat français. Compliqué, hein? Certainement, enfin ça a quand même permis au jeune Sylvanus de devenir un remarquable polyglotte. Je crois qu'il parlait 6 langues. Ouais. Et quel genre d'homme était-ce alors? Ses origines d'abord, c'est très important. Olympio est né au début du siècle dans une grande famille du pays, des négociants mulâtres d'origine brésilienne qui étaient installés sur la côte des esclaves et qui se sont d'ailleurs autrefois enrichis grâce à la traite des Noirs. Ouais. Pas très joli. Enfin, c'était une sorte d'aristocratie, c'est ça? Oui, Mais Sylvanus, je vous l'ai dit, va faire de brillantes études à Londres, d'où il revient avec un diplôme d'économie. Et il est nommé directeur d'une filiale d'Unilever installée au Togo. À l'époque, sur tout le continent, aucun Africain n'occupe un poste aussi prestigieux. Il fait déjà de la politique ? Très tôt, oui, mais j'allais dire presque naturellement. À cause de sa situation sociale ? Bien sûr, ouais. Sylvanus Olympio est respecté, admiré par ses frères togolais et africains, parce que sa renommée va bien au-delà du petit Togo. Et au début des années 40, il crée un cercle culturel, le Comité de l'Unité Togolaise. C'est en fait l'esquisse d'un parti politique. Un parti indépendantiste ? Olympio pense certainement à l'indépendance et encore plus à la réunification du pays, mais le sujet est encore tabou. Et la création de ce comité vaut à Olympio d'être interné par le commissaire de France, qui est alors sous les ordres de Vichy. Le commissaire de France, c'est le gouverneur. Oui, c'est le titre qu'il porte à l'époque, en effet. Mais dès que les gaullistes prennent le contrôle de l'AOF, l'Afrique occidentale française, Olympio recouvre la liberté. Il reprend son activité politique. Plus que jamais. Dès la fin de la guerre, il transforme son association culturelle en parti. Et il doit affronter l'hostilité du commissaire de France. Le nouveau. Évidemment. Ce haut fonctionnaire suscite même la création d'un autre parti togolais, beaucoup plus modéré et résolument francophile. Un parti qui est d'ailleurs dirigé par le propre beau-frère de Sylvanus Olympio, un ingénieur, Nicolas Grunitzky. C'est pas un hasard. Bien sûr que non. Grunitzky sera toujours le rival d'Olympio. Et il lui succédera après sa mort. Pas pour très longtemps, on en reparlera. Sylvanus Olympio est donc un partisan déterminé de l'indépendance de son pays. Et cet homme cultivé et influent entend utiliser toutes les ressources juridiques et diplomatiques pour arriver à ses fins. C'est-à-dire Je vous ai dit que le Togo n'est pas tout à fait une colonie comme les autres. Oui, parce que c'est l'ONU qui a donné mandat à la France pour exercer un protectorat sur le pays. Exactement, oui. La France est donc la puissance tutélaire, sous le contrôle de l'ONU qui envoie régulièrement des missions au Togo. Or, un article de la Charte des Nations Unies stipule que la puissance tutélaire, en l'occurrence la France, doit encourager l'évolution des peuples, le but final étant de permettre à ces peuples de s'administrer eux-mêmes. Oui, l'indépendance, c'est ça. Oui. Et Olympio, qui est aussi anglophone, rappelons-le, mène une véritable opération de lobbying à l'ONU et aux États-Unis. Naturellement, c'est très mal vu par la France, qui essaie par tous les moyens de contrarier les efforts du dirigeant togolais. Et de quelle façon, alors ? D'abord en favorisant politiquement le rival d'Olympio lors des élections. Mais c'est son beau-frère. Oui, mais plus subtilement aussi, les administrateurs coloniaux successifs encouragent les divisions ethniques et sociales à l'intérieur du Togo. En gros, si vous voulez, il y a une élite qui habite au sud, les zones urbanisées le long de la mer. La élite à laquelle appartient Olympio ? Bien sûr. Puis il y a le reste de la population à l'intérieur du pays, sur les plateaux et dans les montagnes. Une multitude de petites ethnies batailleuses et frondeuses qui continuent de vivre chichement selon la coutume. Alors, on joue de cette disparité ? C'est ça. Diviser pour mieux régner. Il suffit de caresser dans le sens du poil les chefs traditionnels et en les reconnaissant officiellement, par exemple, et en leur confiant des pouvoirs administratifs et politiques. Est-ce que ça suffit à contrer l'influence de Sylvanus Olympio ? Oui. Grâce à ces combinaisons et à la fraude électorale, le parti d'Olympio perd les élections au tout début des années 50. Mais cette défaite électorale ne le décourage pas. Et l'homme d'affaires entend bien faire entendre la voix des nationalistes togolais lors d'une Assemblée générale des Nations Unies qui doit se tenir à Paris. Ce que la France ne peut admettre. Ah, d'accord, mais enfin, que peut-on faire pour l'en empêcher ? Des pressions sur son employeur. Cette filiale d'Unilever, là ? Oui, ses patrons lui offrent le choix. Ou bien il embarque pour une luxueuse croisière aux frais de la maison. Pendant la session des Nations Unies, c'est ça ? Naturellement. Ouais. Ou bien il démissionne. Et que choisit-il ? La démission. Et cet acte courageux va lui valoir une extraordinaire popularité au Togo. Car Olympio a sacrifié une réussite professionnelle incontestable et unique pour un Africain à la cause de l'indépendance de son pays. Ça se retourne donc contre les auteurs des pressions. Tout à fait. Olympio est remis en selle. Et désormais, Monsieur Sylvanus, comme on l'appelle au Togo, symbolise l'aspiration à l'indépendance. Et la puissance coloniale a beau mettre en avant Nicolas Grunitzky, il est évident que le seul homme politique togolais qui compte, c'est Olympio. Et que tôt ou tard, il s'emparera du pouvoir. Par tous les moyens ? Non. Non, Olympio est un légaliste. Et s'il désire que le Togo se détache de la France, il veut que cette séparation se fasse sans douleur, sans violence. En 1958, son parti triomphe aux élections législatives. Un véritable raz-de-marée, malgré la fraude. Le haut-commissaire de France est contraint de le nommer Premier ministre. Non, c'est pas encore l'indépendance. Vous avez raison. Et l'un des premiers gestes de Sylvanus Olympio, c'est de prendre l'avion pour Paris. Il veut discuter directement avec le général de Gaulle, qui vient de revenir aux affaires. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 1958, le haut-commissaire de France s'appelle Gaston Spinal. C'est un adversaire résolu de Sylvanus Olympio. et il a tenté d'écarter le leader togolais en le privant de ses droits civiques sous prétexte d'une infraction à la législation des changes. Toutefois, devant le triomphe électoral du parti de l'Impio, il doit s'incliner et se résout à le nommer Premier ministre. Mais, déjà, le haut-commissaire engage le processus qui se terminera par la mort de Sylvanus Olympio. En effet, je lis dans le magazine Jeune Afrique que l'un des premiers visiteurs de Gaston Spinal s'appelle Mama Fousseni. C'est le chef d'un parti, l'UCPN, l'Union des chefs et des populations du Nord. S'il se rallie à Olympio, ce dernier pourra constituer un gouvernement d'union nationale et mettre fin aux traditionnelles dissensions entre le sud et le nord du pays, le nord où se recrutent la plupart des militaires togolais. Or, après avoir rencontré Spinal, Fousseni, qui était d'abord enclin à pactiser avec Olympio, décide de demeurer à l'écart. C'est donc une occasion ratée. Elle pèsera très lourd dans la suite de cette histoire. Olympio va donc rencontrer le général de Gaulle. L'ancien chef de la France libre a plutôt de la sympathie pour lui. Il n'a pas oublié que Vichy a fait interner Olympio. Olympio qui se trouvait donc dans le bon camp. Incontestablement, c'est pourquoi l'accueil du général est aimable. Olympio lui demande l'indépendance. Bien entendu, il est venu pour ça. Mais le général ne peut pas lui donner satisfaction. Pas tout de suite, en tout cas. Pourquoi? À cause de l'Algérie. Parce que de Gaulle veut d'abord régler la question algérienne. Oui, et accorder tout de suite l'indépendance au Togo le mettra en difficulté. Pourtant, tous les pays africains francophones vont obtenir leur indépendance en 1960, c'est-à-dire bien avant la fin de la guerre d'Algérie. C'est juste. Mais à cette date, le général a déjà proposé l'autodétermination aux Algériens, donc la situation a changé. Comment réagit Sylvanus Olympio devant ce refus? Très bien. Il dit au général qu'il n'est pas pressé. Ah, c'est étonnant, non? Pas tant que ça. N'oubliez pas que le Togo était sous la tutelle de l'ONU. Et d'autre part, Olympio savait que l'indépendance était inéluctable. Alors dans un an, dans deux ans, ça ne changeait pas grand-chose. Et puis je vous l'ai dit, il voulait que ça se passe le mieux possible avec la France. Oui, en préservant une éventuelle coopération. Naturellement. J'imagine. Olympio était un homme d'affaires avisé. À noter d'ailleurs que ce sera le seul chef d'État africain issu du secteur privé. Donc il savait que son petit pays aurait besoin d'une aide économique et technique. Une aide qu'il ne comptait pas demander exclusivement à la France. Et à Paris, on grincera des dents quand on s'en apercevra. Oui, parce que à Paris, justement, on veut que le Togo demeure dans l'orbite française. C'est évident, mais Olympio ne voulait pas qu'au colonialisme succède un néocolonialisme encore plus pervers. Et disons-le tout de suite, ça lui coûtera très cher. C'est une des causes de son assassinat. J'en suis persuadé. Ouais. Même si, malheureusement, Sylvanus Olympio va cristalliser d'autres haines, enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, d'accord. L'indépendance au Togo intervient quand? En 1960, comme dans les autres pays. Oui, en avril, donc un peu plus de 18 mois après la rencontre de Gaulle-Olympio. Et un an plus tard, M. Sylvanus est élu président de la République, il est alors au summum de sa popularité. Est-ce qu'il va gouverner en démocrate? Certainement, même s'il se laisse parfois aller aux délices du culte de la personnalité. Mais après tout, c'est le père de l'indépendance et la plus grande partie de la population le vénère. Il n'y a pas d'opposition? Si, bien sûr. Il y a toujours Gonetki, son beau-frère, qui a été évincé du pouvoir par la victoire électorale d'Olympio. D'autre part, la politique d'austérité qu'il a engagée ne plaît pas à tout le monde. Certains jeunes, en particulier Renacle. Mais le président s'efforce de les intégrer dans son parti. Olympio doit aussi affronter la mauvaise humeur du dirigeant du pays voisin, le Ghana. Mais c'est Nkrumah, hein? Oui, le bouillon Nkrumah. Et pourquoi est-il de mauvaise humeur, là? Parce que Nkrumah, qui rêve de panafricanisme, voudrait que le Togo se fonde dans le Ghana. Ah, c'est ce qu'on avait dit au début, la réunification de l'ethnie Ewe, c'est ça, Oui, mais Olympio n'en veut pas. Non pas qu'il soit hostile à un rassemblement politique des pays africains. Ce sera d'ailleurs à l'origine de la création de l'OUA. L'OUA, c'est l'Organisation de l'Unité Africaine. Mais Olympio, en économiste compétent, veut d'abord s'attacher à faire du Togo un pays en ordre de marche. L'essentiel étant d'arriver à un strict équilibre budgétaire, condition nécessaire d'une réelle indépendance, enfin bref. Olympio essaye de construire une sorte de Suisse de l'Afrique. Et là encore, il va s'attirer de sérieuses inimitiés. Par exemple? Eh bien, il entend que la société française qui exploite les phosphates du Togo revoit le contrat dans un sens plus favorable à son pays. Oui, c'est-à-dire des redevances plus importantes. Et forcément, ça ne plaît pas aux actionnaires de cette société. Et ce conflit économique se double d'une initiative qui irrite le gouvernement français. Olympio voudrait en effet construire un port à Lomé, la capitale, avec l'aide financière de la France. Mais les autorités françaises, arguant du fait qu'un port est en construction dans le pays voisin, le Dahomey, et que ce nouveau port togolais le concurrencerait, refusent donc la demande de Sylvanus Olympio. et Olympio le prend mal. Non, non, mais la grande fureur de la France, il se tourne vers la première puissance colonisatrice. Ah, c'est-à-dire l'Allemagne, hein? Et la RFA lui octroie un prêt de plusieurs dizaines de millions de Deutschmark. Enfin, ce qui met le feu aux poudres, c'est la volonté du président togolais de créer sa propre monnaie. C'est-à-dire qu'il veut sortir de la zone franc? Et Olympio pense qu'un pays indépendant doit aussi jouir d'une souveraineté monétaire. Ouais. Ça, nouvelle tempête à Paris. Évidemment. Pour le gouvernement français, c'est une véritable provocation. D'autant que le président togolais envisage de demander que cette nouvelle monnaie soit garantie par l'Allemagne et la Bundesbank. Et non pas par la Banque de France. La Banque de France qui n'aurait plus aucun droit de regard sur les comptes extérieurs du pays. Tout cela, vous pouvez l'imaginer, donne lieu à de nombreuses tractations menées dans le plus grand secret. C'est-à-dire que la France essaie de faire revenir Olympio sur sa décision? Oui, mais le dirigeant togolais est inflexible. Il veut sa monnaie. Et aux yeux des Français, il ajoute une ultime provocation. Après appel d'offres pour concevoir et fabriquer les pièces et les coupures de la nouvelle monnaie togolaise, c'est l'Angleterre qui est retenue. Ah oui, alors là, la coupe déborde. Certainement. Or, notez-le bien, les accords qui doivent sceller la rupture entre la Banque de France et son homologue togolaise doivent être signés à Paris le 15 janvier 1963. Et c'est le 13 janvier que Sylvanus Olympio est assassiné. Bizarre, non? Oui, pensez qu'il y a là plus qu'une coïncidence. Et en tout cas, de quoi s'interroger. Les autorités françaises pouvaient craindre que cette volonté d'émancipation à tout prix ne soit contagieuse. Elle donne des idées à d'autres dirigeants africains. Bien entendu, car soyons clairs, la zone franc et la création du franc CFA nous permettaient de garder un œil sur la gestion de ces pays nouvellement indépendants. Une sorte de tutelle. Et la garantie que nos intérêts économiques en pays d'Afrique seraient préservés. Ajoutons aussi que la France entendait sauvegarder son influence politique sur ces nouveaux États. C'est ce que le général de Gaulle a tenté de faire avec la communauté. Ouais. Donc, si je vous comprends bien, la France ne pouvait que se féliciter de la disparition de Sylvanus Olympio. Ouais, c'est malheureusement la vérité. Mais est-ce que ça veut dire que la décision d'assassiner le président togolais a été prise à Paris? Je le crois. Ouais. À quel niveau, alors? Difficile de le dire précisément. Vous savez que ce genre de décision ne fait jamais l'objet de notes écrites. Et puis, il se trouve toujours des gens dévoués qui précèdent en quelque sorte la volonté du prince. Oui, en croyant bien faire. C'est ça. Alors, il suffit de leur adresser discrètement un petit encouragement et ils passent à l'action. Ouais, j'ai l'impression que vous essayez de vous défiler. Alors disons que des gens de nos services n'ont pas été tout à fait étrangers à ce qui s'est passé à Lomé. Oui, d'accord, mais les services secrets, en principe, n'agissent pas de leur propre initiative, on leur donne des ordres. Ouais, bon, alors oui, on leur a fait comprendre que Sylvanus Olympio nuisait aux intérêts de la France, mais il leur fallait mettre en place une machination qui, en aucun cas, ne compromettrait les autorités françaises. C'est ce qui a été fait. D'une manière particulièrement machiavélique. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X ne semble guère désireux de désigner nommément les gens qui ont décidé de liquider Sylvanus Olympio. Alors je me suis plongé dans un ouvrage où Jacques Foccart s'entretient avec Philippe Gaillard, Foccart étant, comme je le rappelais au début de cette émission, l'homme qui pilotait notre politique africaine sous la présidence générale de Gaulle, puis celle de Georges Pompidou. Foccart reconnaît d'abord qu'il était ami avec Nicolas Grunitzky, le beau-frère et rival de Sylvanus Olympio, l'homme qui lui succédera au pouvoir. Une amitié si intime que les deux filles de Grunitzky venaient souvent déjeuner dans la villa de Foccart à Luzarches. Ensuite, évoquant la personnalité d'Olympio, voici ce qu'écrit l'ancien conseiller du général. Nous avions des rapports plutôt froids. Je vous ai raconté comment, au cours du passage du général à Lomé en 1953, d'abord distant pour ne pas dire plus, il était devenu presque chaleureux. Mes relations avec Olympio s'étaient alors améliorées, mais elles n'ont jamais été cordiales comme celles que j'entretenais avec Grunitzky. Pour tout dire, je l'ai peu connu. C'était un homme de qualité, mais orgueilleux, pas facile dans les contacts humains. Seul chef d'État venu du secteur privé, il attachait une grande importance à l'économie aux dépens des problèmes politiques, sociaux et d'unité nationale. Parmi les pays africains, le Togo était l'un des plus divisés. Chef de file des Éoué, Olympio n'avait quasiment laissé aucune place aux gens du Nord dans la vie politique ni dans l'administration. Bref, on l'aura compris, Jacques Foccart n'aimait guère Olympio. Ce livre d'entretien, paru en 1995 chez Fayard, a pour titre « Foccart parle ». Alors cette machination, comme vous dites là. Très sagement. Sylvanus Olympio considérait que le petit Togo, qui entendait vivre en paix avec ses voisins, n'avait pas besoin d'une armée puissante. C'était aussi chez lui le désir de ne pas grever le budget de l'État en entretenant une armée pléthorique et coûteuse. Ouais, donc une petite armée, combien d'hommes? Une compagnie de 300 militaires. Oui, c'était en effet assez peu. Hein. Le Togo était même alors le pays le moins militarisé de tout le continent. Il existait aussi une gendarmerie et ces deux armes étaient commandées par un officier français détaché par Paris. Alors même que le président Togolais souhaitait prendre ses distances avec la France? Oui, je sais, c'est bizarre, mais Olympio avait confiance dans cet officier, donc il avait même fait le chef de son cabinet militaire. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera sans doute pas, que cet homme entretenait des rapports étroits avec le SDEC. Oui, nos services secrets. Le loup était donc dans la bergerie. Oui, on peut voir les choses comme ça. En tout cas, Olympio ne semblait guère craindre cette petite armée de professionnels qu'il entendait d'ailleurs transformer en introduisant la conscription. Oui, le service militaire obligatoire. Oui, mais en 1962, la situation se tend. Pourquoi? Eh bien parce que de nombreux soldats togolais qui combattaient dans nos rangs en Algérie sont soudain démobilisés et reviennent au pays. Et presque naturellement, il demande à s'engager dans la petite armée togolaise. Oui, mais vous avez dit que Sylvanus Olympio n'était pas destiné à accroître les effectifs de son armée. C'est juste. Donc, il leur oppose un refus cinglant. D'autant plus cinglant que pour lui, ces soldats sont des mercenaires qui ont combattu contre les indépendantistes algériens. Par conséquent, il n'est pas question de créer une deuxième compagnie, ce que demandent ces soldats démobilisés. Mais que vont devenir ces hommes, alors? Le président togolais leur conseille de se reconvertir. Dans la vie civile? Oui, ouais, il y a un pays nouveau à construire et Olympio est même prêt à les aider à suivre une formation professionnelle. Mais la plupart de ces soldats n'envisagent leur salut que dans la vie de caserne. Ouais. On va créer un foyer d'agitation permanent. Oui, un foyer très dangereux parce que ces demi-soldes, comme on les appelle, sont susceptibles d'être manipulés. Et que furieux contre Sylvanus Olympio, ils sont aussi prêts à se lancer dans n'importe quelle aventure. Un putsch? Un putsch, oui. Car ils sont à peu près certains de compter sur la solidarité des soldats de l'armée nationale. Et sur le soutien là, de cet officier français qui commande à la fois l'armée et la gendarmerie. Nous sommes certains. En encourageant en sous-main cette entreprise de subversion. Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr? Qui détient les clés de l'arsenal? C'est cet officier. Or, le jour où les demi-soldes passeront à l'action, ils sont armés. Avec des armes de l'armée nationale. Oui. Ouais. Mais le président Olympio, qui est intelligent, ne se rend-il pas compte du danger que représentent ces demi-soldes? Si. Il a même demandé à son ministre de l'Intérieur de surveiller ses militaires un peu trop remuant. Mais a-t-il été parfaitement obéi? C'est une autre question. Il faut aussi observer que le président togolais ne semblait pas particulièrement inquiet puisque seuls deux policiers montaient la garde devant sa villa la nuit du drame. En effet, oui. Justement, alors, comment ça va se passer? Il faut d'abord que je vous parle d'un homme qui va jouer un rôle capital dans cette affaire, le sergent-chef Eyadema. C'est l'actuel président du Togo, hein? Lui-même. Étienne Nasengbe Eyadema, après avoir combattu en Algérie, a été démobilisé en septembre 1962. Il est aussitôt rentré au Togo, son pays natal. Et dès son retour, il prend contact avec le bureau de la coopération militaire française à Lomé. Que veut-il? Il désire que le président togolais le nomme sous-lieutenant. Et Olympio accepte? Bien sûr que non, malgré l'insistance de cet officier dont je vous ai parlé. Cet officier français, là. Et Eyadema est donc très bien vu par les Français. Tout à fait. Et à partir de ce moment, vous pensez bien que le sergent-chef Eyadema nourrit une rancune certaine contre le président de la République. Et il participe aux réunions de tous ceux qui complotent contre Sylvanus Olympio. Et essentiellement ces militaires désœuvrés. Essentiellement. Et aussi des opposants politiques qui se sont exilés au Dahomey ou au Ghana. Mais il doit se défier de la police. Car il était interpellé à plusieurs reprises. Et on a même confisqué chez lui des armes de guerre. Mais il a été laissé en liberté? Oui. Encore une fois, c'est tout à fait étonnant. Et ça montre bien que si Olympio était un autocrate, ça n'était certes pas un tyran. Ouais, alors, les faits. Le 12 janvier, Sylvanus Olympio a infligé un nouveau camouflet à notre ambassadeur en refusant d'inaugurer le centre culturel français. Le soir, il regagne sa villa, travaille à son bureau et se couche. Il est alors minuit. Et la femme du président, Dina, entend des bruits devant l'entrée de la villa. Que se passe-t-il? C'est une altercation, sans doute, entre les deux policiers de garde et des intrus. Et tout de suite après, il y a des coups de feu. Olympio se réveille, allume la lumière de sa chambre, et aussitôt, des balles sont tirées à travers les fenêtres. On essaie de le tuer? C'est évident. Alors Olympio éteint, ordonne à son épouse de se cacher, et il décide de sortir de la villa par derrière. Sa villa jouxte, en effet, l'ambassade américaine. Et il compte s'y réfugier? Oui, il y a un simple mur escaladé. Et tandis qu'il prend pied dans le parc, des soldats envahissent sa propre villa, finissent par trouver son épouse et la bousculent. J'imagine qu'ils veulent savoir où est le président. Bien entendu, et comme ils n'obtiennent pas de réponse, ils commencent à saccager la demeure. Oui, mais et Olympio, lui, alors? À cette heure-là de la nuit, l'ambassade est bien évidemment fermée. Et Sylvanus Olympio se cache dans une voiture en stationnement. À l'intérieur de la propriété? Oui. Et dans la villa présidentielle, que se passe-t-il pendant tout ce temps? Un fait très étrange. Celui qui semble commander les mutins, sans doute, et y a des mains lui-même, téléphone à l'ambassade de France et il dit « Nous ne l'avons pas trouvé. » Comme s'il rendait compte. Exactement. C'est troublant, non? Ah oui. Et ce qui suit ne l'est pas moins, d'ailleurs. L'ambassadeur américain reçoit un coup de fil à son domicile, c'est l'ambassadeur de France. Il lui annonce qu'un putsch est en cours et que le président Olympio a peut-être trouvé refuge dans son ambassade. Oui, l'ambassade américaine. C'est cela. Aussitôt, le diplomate américain se rend à son ambassade, devant laquelle stationnent des soldats mutins. Il parlemente, entre, et il trouve le président Olympio dissimulé dans la voiture. Alors là, que fait-il? Je pense qu'il va l'aider, enfin le faire entrer dans le bâtiment. Impossible. Il n'a pas les clés. Alors il ressort. Ah. Pour aller chercher les clés? Oui. Et arrivé chez lui, avant de repartir, il a le réflexe de téléphoner à son homologue français afin de lui dire qu'il vient effectivement de retrouver Sylvanus Olympio dissimulé dans une auto. Peu de temps après, les mutins commandés par Iadema pénètrent dans l'ambassade américaine et extraient Olympio de sa cachette. Vous insinuez donc que l'ambassadeur de France aurait pu confirmer aux putschistes que le président se trouvait réellement dans l'ambassade américaine? Je n'insinue rien. Non, je rapproche des faits. Ouais. Olympio, tout d'abord, ne veut pas quitter l'enceinte de l'ambassade américaine. Et finalement, il accepte de sortir. Et soudain, devant le bâtiment, mais à l'extérieur, trois coups de feu claquent. Sylvanus Olympio s'écroule, mort. Qui a tiré? Vraisemblablement, Étienne et Iadema. Ils s'en est vantés tout de suite après. La suite est connue. La petite armée togolaise s'est ralliée très vite aux putschistes. Nicolas Gruditsky a été rappelé au pouvoir. Et 4 ans plus tard, Iadema l'a chassé et s'est installé à sa place. Et il y est toujours. Ouais. Mais le Togo n'est pas la Suisse africaine dont rêvait Olympio. Et Iadema règne, mais son pays est surendetté malgré l'aide extérieure. L'aide française. Naturellement. Mmh. Un dernier mot. L'armée, qui ne rassemblait sous Olympio que 300 hommes, en compte aujourd'hui 14 000. Est-ce bien le président Iadema qui a tué Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963? Le fait semble presque avéré. Ainsi, je lis ceci dans le magazine Jeune Afrique du 22 janvier 1990. L'hebdomadaire français Paris Match du 26 janvier 1963 rapportera de ce tragique et absurde événement la version de l'adjudant-chef Étienne Iadema. Il admettra avoir tiré sur Olympio, qu'il entendait seulement faire prisonnier, parce que celui-ci ne voulait pas avancer. Mais 10 ans plus tard, parlant au journaliste Claude Feuillet, Iadema reviendra sur sa première déclaration expliquant qu'Olympio, qui essayait de fuir, avait été victime du tir d'un membre du groupe par accident. Quant au général de Gaulle, il n'a jamais douté que l'ancien sergent-chef avait tué Olympio. Et voici ce qu'écrit Jacques Foccart dans le livre que j'ai cité plus haut. Il rapporte une de ses conversations avec le général après que le chef de l'État eut reçu Iadema à l'Élysée. Dès le début de la conversation, m'a-t-il relaté, il lui a dit en substance « Vous avez tué Sylvanus Olympio, vous avez eu tort. Plus tard, vous avez pris la place de Gruditsky, qui ne dirigeait pas vraiment votre pays, et il fallait sans doute le faire. Puis, il lui a donné des conseils de plusieurs ordres et très précis. Il lui a dit qu'il devait exercer le pouvoir sans s'encombrer de considérations politiciennes, faire appel à des jeunes disposant d'une certaine expérience plutôt qu'à des anciens déconsidérés, se débarrasser des prétendus socialistes, en réalité crypto-communistes, qu'il avait pris dans son gouvernement. « Vous êtes arrivé au pouvoir d'une façon brutale, » a-t-il ajouté, « il vous appartient de vous faire accepter et de vous faire respecter. Pour cela, vous devez être modeste et ferme. » Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture du livre de François-Xavier Verschave, « La France-Afrique, le plus grand scandale de la République », publié en 1999 chez Stock. À samedi prochain, et vous pourrez consulter le reste de la bibliographie sur notre site, franceinter.com, un site qui vous permettra aussi de réécouter cette émission.